Mais avant cela, j'ai reçu hier, en fin de journée, sur une application de communication dont je tairai le nom parce que c'est le diable, mais un son du fanzine. Voilà, donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a une promenade du fanzine qui a glané comme ça des sons ou de ce qui s'est passé à la table du fanzine, le résultat étant que nous avons 2 minutes de plongée comme ça dans... chez nos voisins, voisines. Donc Mara Christina, Guillaume Fuchs qui sont là tous les après-midi pour accueillir qui a envie de participer à la face éditée de ce projet Radiozine. Donc ce n'est pas qu'une radio, c'est aussi un fanzine. Oui. On les écoute. Et voilà, c'était le son du fanzine. Visiblement, on n'était pas au même festival. En tout cas, moi, j'ai pas assisté à ces concerts. Non, mais merci beaucoup, Mara. Merci, Guillaume. Ça fait trop plaisir. Parce qu'en fait, il faut savoir que non, on n'est pas du tout... On est dans le même espace physiquement, mais temporellement, non. C'est-à-dire, nous, on a, on a l'espace du matin et Mara et Guillaume ont l'espace de l'après-midi. Donc, on se croise... via messages vocaux. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que l'antenne est toujours ouverte. Si vous avez envie d'envoyer également 1 minute un message vocal pour dire ce que vous voulez ou juste nous faire part des sons que vous trouvez chouettes, que vous enregistrez autour de vous ou des dédicaces de morceaux que vous avez envie d'écouter, mais du coup qu'il faudra me pour des questions de droit d'auteurice. Vous pouvez donc envoyer tout ça par Telegram au Signal au 077 485 83 48. Merci.